la chronique blockbuster de Frédéric Sigrist. Vous voulez nous parler de fantômes? Oui Mathilde, mais comme tout le monde en France, j'ai envie de dire. Hein. Cette semaine, entre la palanquée de politiciens et d'éditorialistes qui ont réussi à faire parler Joséphine Baker sur le wokisme, Éric Zemmour qui a fait parler le général de Gaulle, Georges Brassens et Barbara, je me sens comme le gamin du film Le Sixième Sens, Mathilde. Je vois des gens qui sont morts. T'allumes la télé en 2021, c'est le cimetière du Père Lachaise. C'est plus de la politique, c'est du spiritisme. Le petit Robert a fait rentrer le pronom Yel dans l'édition de cette année. Je propose qu'en échange, on fasse sortir demain, avenir, futur. Parce que c'est clairement des mots dont on n'a strictement plus besoin. Hein. Nos futurs, comme les Sex Pistols, mais sans le sexe. Si je puis me permettre, si on passe son temps à regarder derrière soi, faut pas s'étonner d'aller droit dans le mur. Bim ! 1-0 pour la philo. Et donc, tant qu'à boire le calice de la nostalgie jusqu'à la lie, cette semaine, je suis donc allé voir au cinéma le nouvel SOS Fantôme, Ghostbuster Afterlife. Ghostbuster Afterlife, rebaptisé en France SOS Fantôme, l'héritage. Oui, cherchez pas, c'est culturel. Hein. Aux États-Unis, quand une personne décède, il se pose la question de la vie après la mort. En France, ce qui nous intéresse, c'est les droits de succession. Vous vous souvenez bien évidemment de SOS Fantôme, ce film culte d'Ivan Reitman, sorti en 1984 avec Bill Murray, Dan Aykroyd, le regretté Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Rick Moranis. Ces scientifiques new-yorkais farfelus qui auraient fait passer les frères Bogdanov pour des modèles de rigueur scientifique, qui après avoir découvert l'existence de fantômes et d'une vie après la mort, ont décidé de faire ce que tout Américain des années 80 aurait fait, monter une entreprise de chasseurs de fantômes et faire de la thune avec. Parce que c'est bien là le coup de génie de ce film, mettre des humoristes de talent qui ont fait leurs armes au Saturday Night Live dans un authentique film fantastique matinée d'horreur. Parce que si vous retirez les chasseurs de fantômes, eh bien Ghostbusters, c'est un film d'horreur très premier degré. Possession démoniaque, chien de l'enfer, dieu sumérien qui cherche à détruire l'humanité. C'est l'humour permanent du casting, Bill Murray en tête, et le côté désabusé de ses grands-enfants qui emmène le film totalement ailleurs. Même le cultissime Bibendum Chamallow, vous savez, qui ravage New York, n'est pas la forme originelle de Gozer, le dieu destructeur, mais une émanation de l'inconscient de Ray, Dan Aykroyd dans le film, un des chasseurs de fantômes. Comme si ces comiques étaient capables de transcender l'ADN même d'un film. En même temps, mettez Mr Bean dans l'Exorciste, ça fera sûrement beaucoup moins peur. Hein. Ce que Ghostbuster nous disait en 1984, c'est qu'au fond, rien ne pourra jamais traumatiser un New-Yorkais. Et c'est d'ailleurs un trait de cette ville que l'on retrouve dans les Spider-Man de Sam Raimi. Invasion de fantômes, invasion d'aliens ou super-vilains, rien n'empêchera les taxis new-yorkais de circuler ou les marchands à la sauvette de vendre des hot-dogs à Central Park. New York, c'est l'incarnation de la résilience en urbanisme. Mais pourquoi vous insistez autant sur New York, Frédéric? Mais parce que dans le nouvel opus, il n'y a pas New York, Mathilde. Ils ont oublié un, si ce n'est le personnage principal. New York, cette ville qui a joué un rôle décisif dans le succès du film de 84. Là, tout se passe dans une petite ville perdue des États-Unis au milieu des champs de blé. Je m'attendais à voir débarquer Karine Le Marchand en train d'essayer de trouver un mec à Marine Le Pen. Franchement, mais des fantômes là où il n'y a personne, ça sert à rien. Et en plus, on n'a plus affaire à des scientifiques cyniques, marginaux ou libidineux qui boivent des lampées de whisky après avoir électrocuté des étudiants. Là, on a affaire à des gamins. Des enfants! C'est la suite de SOS Fantôme, pas des Goonies! En plus, dans le film, ils n'arrêtent pas de citer les films de Spielberg des années 80, Rencontre du troisième type, les Gremlins, on retrouve tout ça! Bah, ce sont d'excellents films pourtant! Oui, Mathilde, bien sûr, sauf que c'est pas le même délire! À Noël, moi, je cherche pas des œufs dans le jardin, enfin! C'est un autre type de film des années 80! Là, j'ai vu dans ce film une pointe de cynisme trempée dans un gros bol de nostalgie. Un film de fantômes hanté par le film originel qu'il cite quasiment à chaque plan, mais en moins bien. Faut le faire! Le premier Ghostbuster était un film de jouisseur, le dernier est un film de boomer. Il y a quelques années, Hollywood avait déjà tenté de relancer la franchise en confiant les rôles principaux à de grandes humoristes américaines, et on avait injustement critiqué ces actrices. Aujourd'hui, ce sont des enfants et le casting originel, mais c'est pas beaucoup mieux. Hein. Hollywood a voulu capturer l'esprit du Ghostbuster de 1984, eh bien, peut-être tout simplement qu'il serait temps de lui redonner sa liberté. Frédéric Sigrist.